Yeah man, Development Energy. Ferrat Don Pater sont là pour vous. I know. Pour les gosses de Miami. Yes. Pour ces gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, dites-moi quel est votre point de vue. Pour ces gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, la situation est tendue. Pour ces gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, dites-moi quel est votre point de vue. Pour ces gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, une lueur d'espoir est apparue. Car c'est l'amour qu'il faut leur donner, le seul peut vous l'enseigner. Alors ne les laissez pas de côté. Ça me désole qu'on puisse remédier, je ne crois pas en la fatalité. Mal pour eux je viens chanter. Tellement de projets oubliés, tellement de jeunes voulant demander. Et la porte sur eux vous l'avez fermée. Vous étonnez pas qu'ils veulent s'écarter, vous avez tellement parlé. Imaginez ce que vit une personne affamée. Les gosses qui traînent dans les rues, tout est chaudé. Victime de Babylone, système qui nous a écartés. Et l'angoisse emplit les cœurs, la solidarité en pleurs. Dans les cœurs des hommes l'amour se meurt. J'ai vu des gosses marcher pieds nus dans les ruelles en feu, dans les rues de Bagdad. Bagdad il est déjà est. La fleur de l'âge se fend, le futur se trame. Par le froid de l'homme, l'unité se taille. Oh Jah Rastafari, toi qui es là-haut, si un jour tu croises mon vieux, dis-lui que le système nous a blessés. Un couteau dans la rue, et Babylone nous fait balader. Pour ces gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, dites-moi quel est votre point de vue. Pour ces gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, la situation est tendue. Pour ces gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, dites-moi quel est votre point de vue. Pour ces gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, une lueur d'espoir est apparue. Il est temps que vous vous bougez, prendre à cœur vos responsabilités, car l'immunité pour vous ne peut pas durer. Il est temps que vous réagissez, vraiment de réaliser que des actes peuvent être pardonnés. Et ce pouvoir vous le détenez, ne venez pas à le gâter, prenez-le comme un don qu'on vous apparaît. S'il vous venait l'idée d'en abuser, comme vous l'avez déjà fait, nous serons toujours présents pour en témoigner. Ça te fait quoi de savoir qu'on dort sur un lit pour deux à cinq comme névrose? Ça te fout la psychose comme névrose. Je vais pas faire le monde pour mes gosses. Ah ben ça non, je prends la vie comme elle vient. Tout le monde regarde sans lever le petit doigt. Des gosses qui traînent dans les rues rejetées par les lois. Je te parle d'espoir, je te parle de futur. Fais ton devoir, te parle d'infortune dont sont victimes les gosses. Gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, dites-moi quel est votre point de vue. Ça c'est pour tous les gosses de rue à main. Perdus et que tout le monde a vu, pas parce qu'on a pas été un qu'on doit pas parler. Pour ces gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, dites-moi quel est votre point de vue. Pour ces gosses de rue perdus et que tout le monde a vu, une lueur d'espoir est apparue. Dans la rue.